Mais surtout, il faut penser à ceux qui attendent. 2. Et les journaux, on ne peut pas les emprunter? 3. Non, ils ne sortent pas de la médiathèque.